L'association de la jeunesse d'Addis Abeba, Éthiopie, a fait parvenir un présent au camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée. Le président de l'association, Gelta Elmias Mateus, chef de la délégation en visite en Corée, l'a transmis le 3 juillet à un cadre coréen intéressé.